Brigitte Armaz de Camille Collère. 39e épisode. Pour la vie. L'ambiance vacances, c'est la détente. On parle que de sujets légers, tout va bien. Mais cette année, je dois dire que partir avec un couple en plein divorce, c'est un peu particulier. Et Paul, c'était bien hier votre sortie vélo? Ah ouais, c'était sympa. On a fait pas mal de bornes. Et Jean, il a quand même la pêche. Je sais pas comment il fait. On s'est arrêté pour prendre un verre. Pff, j'étais KO, moi j'étais raide. Ah, et vous avez discuté? Bah ouais. Et il t'a parlé un peu de... tu sais quoi, de leur divorce? De leur divorce? Oh non. Vous êtes partis tout l'après-midi à deux et vous avez pas parlé de leur divorce? Bah non, pourquoi tu me demandes ça? Bah je sais pas, c'est un peu bizarre, non? C'est ton plus vieux pote, vous avez parlé de quoi alors? De vélo, puis de boulot aussi. Mais c'est dingue! Bah quoi? Et toi, tu lui as rien dit? Mais qu'est-ce que je lui dise? Bah enfin, quand même, ça t'a pas traversé l'esprit de... Je sais pas, il a peut-être besoin d'en parler. Bah non, je crois pas. Oh, Octave, dis donc, t'as jamais dit de frapper avant de rentrer dans notre chambre? Non, mais j'ai un truc à vous demander. Est-ce qu'on peut faire une cabane? Octave, oh. T'as entendu ce qu'a dit ton père? On rentre pas comme ça à la chambre des parents, c'est privé. Pourquoi? Mais parce qu'on te demande de respecter une règle, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Oh, il rigole, lui. Vous êtes mariés pour la vie? Bah oui. Alors pourquoi vous vous embrassez jamais? Comment ça, on s'embrasse des fois? Non, vous êtes toujours en train de discuter, mais vous vous embrassez presque jamais. Bah si, regarde, on s'embrasse, regarde. Ah, mais c'est dégueu. Anatole, Clémentine. Il faudrait savoir. En fait, je suis sûre que cette histoire de divorce, même si on n'en parle pas trop, ça interpelle tout le monde. Moi, je suis pas comme Paul. Les questions, je les pose. Enfin, quand j'ai l'occasion. Non, mais tu sais, un divorce, ça a quand même pas mal d'avantages. Ah bon, mais genre quoi comme... Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Anatole? Tu vois pas est-ce qu'on est en train de parler, là? Est-ce que tu peux m'accrocher ces deux bouts de bois? J'arrive pas à faire le nœud. C'est pour la cabane, dépêche. Ouais, allez. Bon, allez, hop, maintenant tu files. Donc, tu disais... Qu'il y avait des avantages à divorcer. Par exemple, je me sens beaucoup plus... Maman, je peux intervenir là parce que Octave, il fait n'importe quoi dans la cabane. Mais je suis en train de parler avec Véro. Vous pouvez pas vous débrouiller tout seul, hein? Comme, il n'y a pas ton père avec vous? Il est où, Benoît? Il est au magasin de bricolage. Mais qu'est-ce qu'il est parti faire dans un magasin de bricolage en plein mois d'août? Chercher du matériel. Il dit qu'on peut pas faire une cabane avec des outils de merde. Oh, hey, ton langage. Mais il est parti acheter des outils pour faire une cabane au fond du jardin, mais il débloque ou quoi? Ça, c'est Benoît. Il fait jamais les choses à moitié. C'est un perfectionniste. Enfin, quand même, excuse-moi, là, ça relève de l'HP. Bon, va voir ton père, Clémentine, je voudrais être peinarde deux secondes. Il fait la sieste. Bah, tu le réveilles? Non, après, il est de mauvaise humeur. Bah, moi aussi, je vais être de mauvaise humeur si je peux pas discuter avec ma copine. Alors, dis à Octave que je vais lui botter les fesses et continuer à enquiquiner le monde. Allez! Oh, mais quelle plaie, je te jure, quoi, y a jamais moyen de se poser. Ouais, ça, avec les mômes. Tu vois, le côté cool du divorce, c'est qu'une semaine sur deux, je suis peinarde. Ah ouais? Plus de courses, plus de dîners, plus de devoirs. Je suis libre comme l'air. Ouais. Bon, question de point de vue, parce que quand même, divorcer, c'est pas le pied intégral. On peut rêver d'autre chose, non? Qu'est-ce que vous faites avec ce drap, tous les deux? Bah, on se marie. Tu peux pas te marier avec comme Clémentine, c'est ton cousin. Bah, si on s'aime, ça m'empêche pas. Bah, si, quand même. Et en plus, vous êtes pas pressé? Bah, moi, je vais me marier tout de suite. Et moi, pareil. Le mariage, c'est pas une fin en soi, arrêtez. Hein? Non mais à notre époque, une femme n'est pas obligée de se construire à travers cette représentation sociale qu'est le mariage ou la maternité. Tu vois Clémentine, tu dois d'abord te penser en personne libre, indépendante, sans endosser le poids de conventions qui te sont imposées par une conception traditionnelle de la société, tu comprends? Bah moi je voudrais me marier très jeune avec ma cousine et pour toute la vie. C'est trop mignon. Et pour mon mariage, moi, j'aurai une très grande robe blanche comme ça. De princesse. Tu seras très jolie. Mais Clémentine, c'est quoi ce rêve de princesse? Excuse-moi, mais c'est pas du tout comme ça que je t'élève. Je crois pas que l'image de la femme, ça soit... Tu joues là, non stress. Bah oui, maman, on joue. Non, mais excuse-moi, il y a jeu et jeu. D'abord, quand tu serais grande, c'est peut-être pas du tout comme qui te plaira. Je veux dire, t'auras peut-être envie d'autre chose. Les cartes sont pas distribuées à 10 ans. Et heureusement. Là, je voudrais pas dire, Brigitte, hein. Mais t'es limite vexante. Ouais, Brigitte, tu sens que tu vas déraper. Non, mais c'est vrai, faut le dire. Tu sais, moi, avant de rencontrer papa, je t'assure que j'ai connu un sacré paquet de garçons. Ouais, hein. Ça y est, là, tu dérapes. Alors, Brigitte, stop. Mais c'est important de choisir la bonne personne. Merde à la fin. Bon, ça va, maman, arrête de t'énerver. De toute façon, si on s'entend plus, on divorcera. Et puis voilà. En com. Ben oui, c'est pas grave. Bon, on peut retourner jouer maintenant. Cette histoire de divorce, quelque part, ça doit m'atteindre. Mais en fait, je suis pas la seule. Qu'est-ce qu'il fait, Benoît? Il vient dîner ou pas? Il fait sa cabane. À 22h, mais il est fou. Je vais le chercher. Benoît! Benoît! Tu viens là, on t'attend! Dîner sans moi, j'ai pas fini! Mais c'est grotesque, tu as passé la journée! Mais oui, viens, j'ai Benoît! J'ai pas fini, je vous dis! Mais pourquoi tu lâches pas deux secondes? Parce que si on construit pas sur du solide, après c'est tout qui se casse la gueule! Tu comprends? Et après c'est la merde! La merde! Mais enfin, Benoît! Il y a des fois, Brigitte, je t'assure, je le comprends pas du tout! Bah tu vois, moi c'est l'inverse. Je me demande si c'est pas la première fois que je comprends mon frère. Et pourtant, ça m'arrive pas souvent. C'était La vie trépidante de Brigitte Tornade, de Camille Coller. Avec Éléonore Jonquet, Yannick Chouara, Delphine Léonard, Sidonie Laurence, Elios Noël, Samuel et Anna Kajman, Ernest Coller. Bruitage Sophie Bissance. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage. Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation. Alice Cachaner. Réalisation. Cédric Ossir.